Père et fils par Henri Barbus. Vous croyez l'avoir connu comme moi, dit Montroussi, mais vous n'avez pas su cette espèce de drame qui lui advint. C'était, n'est-ce pas, un homme nerveux et délicat, à la figure trop affinée. Il avait voulu devenir médecin comme son illustre père. Vous n'ignorez pas que celui-ci mourut de la tuberculose à 35 ans. Il avait lutté désespérément de toute la force de son génie et de tout son héroïsme, que de traits, on cite, de l'un et de l'autre, contre la maladie, longtemps vaincue, puis soudain victorieuse. À 10 ans, Justin resta seul auprès de sa mère qui l'adorait éperdument. Et tous deux nourrirent en commun le culte de l'homme glorieux et tendre qui n'avait pas pu leur rester. Justin étudia passionnément. Avec quel succès, vous vous la rappelez certainement aussi bien que moi. Cet élève-là nous dépassait tous de plusieurs longueurs, et au collège et à la faculté. Une des particularités de sa vie d'étudiant, c'est qu'il se refusa à voir sa petite chambre à lui. Il n'est guère d'étudiant qui ne possède son home particulier, si modeste qu'il soit, pour des raisons sentimentales, rudement compréhensibles, et ma foi, à peu près excusables. Lui, non. Il n'existait à ses yeux qu'une femme au monde, sa mère. Si elle ne venait pas le chercher à la sortie des cours, c'est qu'elle s'y refusait, doucement. Mais au milieu de nous, dans la rue, où la petite brasserie Beaubœuf, remplacée à cette heure par une maison de rapport, il avait toujours l'air préoccupé, distrait, pressé. Il ne pensait qu'à rentrer pour bien travailler, à l'ombre de cette femme aux jolis bandeaux gris. Le travail et elle, il n'était pas question pour lui de sortir de là. Elle-même aurait volontiers laissé plus de liberté à ses 19 ans. Je constatai bientôt, fréquentant beaucoup chez eux, que Madame Moreau couvait au fond de son cœur la crainte que son cher fils ne se surmenât. Et de fait, Justin était pâle et mince, peu développé, légèrement voûté par l'éternelle attirance des livres. Si fière qu'elle fût des progrès de Justin, elle eût désiré qu'il délaissât entre-temps l'entraînement de son cerveau en faveur de la culture physique. Un soir, elle s'ouvrit à moi de ce désir, avec cette timidité exquise de vieille dame encore jeune. Et brusquement, au moment où elle me parlait, ce fut un trait de lumière pour moi. Justin était guetté par une hérédité terrible. Son père n'était-il pas malade avant sa naissance ? Le malheureux portait les germes de la maladie affreuse, ou tout au moins une prédisposition indiscutable. Et à partir du moment où les paroles de la maman m'amenèrent à faire cette réflexion, ce fut avec une sorte de terreur que je guettais et considérais à la dérobée le visage trop éthéré de l'étudiant. Et voilà que cette idée à laquelle je n'avais pas songé jusque-là, par bêtise, et qu'il n'avait pas soupçonnée, lui, par une sorte de grâce d'état, voilà qu'elle s'imposa à lui. Il fut ajourné par le conseil de révision pour faiblesse de constitution. En revenant du bureau de recrutement, il était pâle comme un mort. Il avait entrevu la réalité brutale. Tout ce que je pus lui raconter n'effaça pas l'indicible angoisse répandue dans ses yeux. Il se fit examiner par des maîtres. On le rassura. Mais après, il hochait la tête. Il avait, lui, ses idées sur la transmission héréditaire. C'était lugubre. Ce premier acte du drame dura plusieurs mois. Le second acte fut la mort de Madame Moreau, une mort brusque, stupide. Elle glissa sur les roues d'un tramway en traversant une rue et fut broyée. Vous dire la douleur de Justin est au-dessus de mes forces. Après l'enterrement où il se traîna, il quitta Paris pendant des mois. Il revint sombre, parlant bas, encore maigri, avec des gestes d'automate. Peu à peu pourtant, il se remit à vivre. Je connus qu'il était redevenu lui-même, le printemps suivant, à quelques propos mélancoliques et désabusés qui lui échappèrent sur sa propre santé. Malgré tout, malgré lui, distrait de l'énorme malheur, il recommença à s'épouvanter d'être voué à une existence brève et insignifiante. Ce fut un an après l'incident tragique qu'il osa rentrer dans le sanctuaire de la chambre maternelle et toucher au papier qui s'y trouvait. Défaillant, il me pria de l'accompagner dans cette pieuse visite. Je me tins discrètement à l'écart. Il ouvrit en tremblant le secrétaire, y trouva des photographies qu'il envisagea dévotement, des lettres qu'il mania avec des précautions attendrissantes. Au bout d'une heure, il avait mis un peu d'ordre dans ses reliques de papier, tellement adonné à son filial labeur, qu'il ne pensait plus, sans nul doute, que j'étais là. C'est alors que du fond d'un tiroir il tira un paquet de lettres. Il le défit, commença à lire. Alors je vis son dos frissonner, et tout à coup il poussa un gémissement sourd. Ses mains se crispèrent dans ses cheveux. Il lut encore, puis, avec de grands sanglots, il cria des mots fous, à peu près ceci. « Ma mère, mon père, non, non, elle, lui, ma sainte !» Je n'aurais plus le droit de dire « mon père, non, non !» Il enfouit sa tête dans ses bras, puis s'arrêta net de pleurer, se dressa, se tourna vers moi avec des yeux hagards qui montraient qu'il avait oublié tout à fait ma présence. Interpellé, je m'efforçais de prendre le ton et l'allure de quelqu'un qu'on arrache à des réflexions intenses. Et je pris congé de lui sans apparence d'émotion spéciale, comme si je n'avais rien entendu, vous comprenez? Mais j'avais bien entendu. C'était clair. Ces lettres, que Madame Moreau, subitement disparue, n'avait pu détruire, avouait quelque infidélité ancienne et révélait que Justin n'était pas le fils de celui dont il portait le nom. D'ailleurs, je n'aurais pas deviné cela que je l'aurais vu de mes yeux plus tard. Plus tard, ce fut 3 jours après, un dimanche, le premier jour du mois de juin, je me souviens. Depuis la scène en question, mon Justin était devenu comme une loque. Lamentable, il demeurait prostré dans un effarant silence, derrière lequel on pressentait tout son cœur en ruine, tout son souvenir empoisonné. Ce dimanche, je l'amenais de force à la campagne. Nous voilà sur un chemin vert. Je lui tenais la main. Il se laissait guider comme un aveugle, le nez baissé. Mais le temps était trop radieux. La brise nous apportait des bouquets de parfums. On voyait jouer des oiseaux, on entendait gazouiller des enfants. La lumière pétrissait la nature et les êtres. Il leva la tête, comme redressé par une force supérieure. Sa figure était tout éclairée. Comme je suis lent d'esprit, c'est par la suite seulement que j'imaginais ce qui se passa alors en lui. La révélation des lettres, si elle meurtrissait son culte pour sa mère, ne le libérait-elle pas de l'effroyable condamnation héréditaire? Oui, c'était cette idée-là que j'avais vu luire sur mon ami comme une apparition par ce matin invincible. Tandis que je le conduisais sur le chemin vert, sans lui parler plus qu'à un mendiant son chien, il ne pouvait pas ne pas penser à ce salut. Il ne pouvait pas ne pas laisser déborder de lui, plus fort que la dévotion qui courbe vers les morts par un lien étroit, l'amour de la vie enfin permise, enfin ouverte dans toute sa longueur, et la découverte qu'il était vraiment jeune. C'était Père et Fils par Henri Barbusse.